Bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir Lauren Deal. Bonsoir. Alors votre saga de l'été de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au peu de votes. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de mal à apprécier mes créations. Je suis déçu. Oui, c'est décevant. Que les gens ne saisissent pas la profondeur de mes histoires. Ah, ils sont insaisonnables. D'une pertinence sans limite. Il faudrait que les sagas de l'été adoptent de nouvelles décisions. Oui, ils devraient décisionner. Et ainsi améliorer la qualité d'écoute. Oui, il faudrait améliorationner l'écoutage des sagas. Miser en quelque sorte sur l'esprit des sagas. Oui, ce serait une bonne misation. Enfin, beaucoup trop de matière noire. Oui, en effet, la matière noirite est un fléau. C'est un grand problème. Oui, c'est très problématable. Alors, j'ai fait approuver mon projet par Netophonix, ce sera donc une saga netophoneuse. On dit netophonixienne. Désolé. Espèce d'inculte. Et pour les collaborateurs, une personne apportera des précisions sur mon scénario. Tu es là, Johnny ? Moi, c'est Jif, avec un F majuscule. C'est quoi le problème ? Johnny a dit qu'il approuve que dalle ton scénario et qu'il veut pas entendre parler de tes histoires, alors on a dû le remplacer. Ça va être génial. Bon, enfin, votre attention, j'y vais. Top ! C'est une saga sérieuse, en 3 actes. Si ça fait 15 minutes, on a de la chance. Se déroulant dans un monde dystopique, après qu'un dictateur ait pris le contrôle de la France. Grâce à une campagne de réduction sur les cuillères en plastique. Le contrôle des gens se fait grâce à un système de géolocalisation développé par l'armée. Le port d'une passoire sur la tête avec une antenne cachée dans les hanches afin que les citoyens ne perçoivent pas l'astuce. Le héros est un commissaire de police en charge du contrôle des gens qui prend conscience de l'acte inhumain auquel il doit contribuer. Il a une malédiction à chaque fois qu'il doit goûter des pâtes, sa passoire se dissout, du coup il doit récupérer les passoires sur les gens. Cette prise de conscience est radicale. Et il va user de tous les pouvoirs de son statut. Il lui reste 20 kilos de pâte à écouler, je vous dis pas le nombre de passoires nécessaires. Il va trouver un moyen de désactiver le système de surveillance et celui de quelques amis. Le héros va faire une pasta party, ça nécessite 5 passoires. Et par un réseau de communication de la rébellion, il va réussir à rassembler suffisamment de monde pour provoquer une révolte à laquelle l'armée ne pourra répondre. Il va faire un ulule en demandant aux gens de lui envoyer des passoires pour écouler son stock de pâtes. Il va rassembler plus d'un million de passoires. Et voilà pour la base du scénario. Ça me semble une bonne idée pour une prochaine saga de l'été. Merci pour votre écoute. Qu'est-ce qu'il a dit ? Hey !